Salut les smarts, salut les marques et bienvenue à Catch Up, le podcast officiel des Cahiers du Catch qui regarde, résume et analyse pour vous chaque semaine les shows de la WWE. Je suis l'amiral Ambar et ce soir pour m'accompagner dans cette review de Monday Night Raw, j'ai le plaisir d'accueillir Hank. Comment ça va Hank? Salut, comment ça roule? Ça va bien. Je précise aux spectateurs, pour les gens qui regardent sur YouTube, que je porte des lunettes de soleil, non pas parce que je suis une rockstar, mais parce que je suis très fatigué et j'ai une sale gueule. Allez, on va commencer. Mais peut-être que c'est ça aussi, parfois les superstars WWE se font repackager parce qu'ils ont passé une sale soirée et du coup ils changent un truc et ça marche. On sait jamais. Voilà. Alors, un ce peu soir, de lac dans les cheveux, quoi. Ouais, de la lac, du gel, hein, ma foi. Certains, c'est ça, hein, ça suffit. Hein. Genre Rousseff qui a les cheveux courts, même si on ne voit pas en trop en ce moment Rousseff. Hein, voilà. Lui aussi, mais la Gomina maintenant, un peu plus hype, un peu plus jeune. Hein. Donc ce soir, on n'est pas là pour parler de Rousseff hein, qui est à SmackDown, on est là pour parler de Raw, donc le Raw du 5 juin qui se passe à Wilkes-Barre en Pennsylvanie. Et c'est le Raw, donc juste après Extreme Rules. Alors si vous n'avez pas regardé Extreme Rules, et ben, vous pouvez toujours aller écouter ou regarder le podcast qu'on fait Ringside Raphaël dessus. En quelques mots, toi, t'as pensé quoi d'Extreme Rules? Bon show, moyen show? J'ai trouvé que c'était un show moyen, mais élevé par deux très bons matchs qui étaient au début et à la fin. Ouais, Bailey contre avec sa bise qui était vraiment excellent, effectivement. On peut le dire. Non, je parle du Miz Ambrose. Ouais. Miz Ambrose, j'ai trouvé vraiment excellent ce match. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce main event qui était monstrueux. Hein. Ouais. Je pense qu'on va se souvenir, il y a des séquences de ce main event dont on va se souvenir à la fin de l'année. Parce que c'était vraiment superbement booké. L'alliance Joe-Wyatt était plutôt maligne. Il y avait des passages comiques aussi, qui étaient genre Balor qui piétine tout le monde les uns après les autres. Le bélier, donc du coup, de Joe et Wyatt qui font le tour du ring. Il y avait de l'humour, il y avait de l'acrobatie, il y avait tout. Très bon match, vous ne laissez pas regarder, matez-le. Donc voilà, qui était le gros morceau du show, ce Fatal 5-Way Extreme Rules, qui aurait pu être un gros bordel infâme, qui finalement ils ont très bien géré. Et c'est en toute logique qu'on débute le show de ce soir de Raw avec l'un des perdants de ce match, hein, parce que c'était 5, il n'y en a qu'un qui a gagné, l'un des perdants, à savoir le prophète Bray Wyatt, qui arrive sur le ring avec toutes ses lucioles et qui dit que il avait une chance de pouvoir détruire la bête qui est Brock Lesnar en remportant ce match, mais on lui a ôté l'épée de vengeance qui était promise à lui-même, à Bray Wyatt, et donc c'est tous les autres qui sont coupables d'avoir empêcher que l'ère de la bête Brock Lesnar s'achève, parce qu'il est encore le seul, hein, c'est toujours un dieu, même s'il a perdu, c'est quand même un dieu, hein, il le dit, c'est le seul qui peut vraiment battre Brock Lesnar, donc tous sont coupables, Joe sont coupables, Finn Balor sont coupables, tout le monde va payer, et donc il prononce forcément le nom de Roman Reigns, hein, et il n'en faut pas plus pour le gros chien pour arriver, puisqu'ils ont un match tous les deux, donc Roman Reigns qui arrive aussi très confiant, très conquérant sur le ring, qui dit que voilà, c'est lui le mec dans le coin, c'est son yard comme d'habitude, et donc on a un match sans plus tarder entre Roman Reigns et Bray Wyatt. Donc dès que ça commence, dès que la cloche sonne, ça part très vite, hein. Il y a Bray Wyatt qui va pour mettre un Sister Abigail à Roman Reigns, qui bien sûr esquive, va faire un Superman Punch, et Bray Wyatt esquive aussi. Ça continue pendant de longues minutes en échange plutôt sympathique avec quelques petites séquences comme Reigns qui fait son Superman Punch mais qui s'interrompt puisque Bray Wyatt marche à l'envers comme ça, comme une araignée. Et donc ça mindfuck complètement Roman Reigns, comme quoi Roman Reigns peut être perturbé psychologiquement même s'il peut pas perdre. Hein. Donc à un moment d'ailleurs, Roman Reigns conteste le compte d'un arbitre. Donc on voit que Roman durcit aussi son jeu avec les arbitres. Hein. Je vous assure, j'ai gagné, tu n'as pas lu le script, petit arbitre, regarde, je dois gagner à la fin. Et c'est ce qui se passe, mais il faudra ni plus ni moins qu'un Superman Punch suivi directement d'un Spear pour pouvoir effectivement que Roman Reigns batte Bray Wyatt. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et cet opener, Hank? Le match en lui-même, si on prend pas en compte qu'il sert à rien, il était vraiment bien. Le match était vraiment bien, mais c'est bizarre parce que Wyatt a dominé énormément et on a eu cette espèce de petit goût qui schools John Cena. John Cena d'il y a 5 ans où il se faisait manger pendant les trois quarts du match et puis à la fin c'était parti la séquence. Five Move of Dooms, ouais. Ouais, voilà, la séquence de 2-3 minutes partait, remontait, Superman et tout ça, quoi. Ouais, ouais donc, bah c'est pas étonnant. On avait vu à l'époque, celle que tu racontes, John Cena, des mèmes sur Internet, John Cena wins lol, il y a les mèmes sur Roman Reigns, on avait un peu ce petit arrière-goût, comme tu dis. Moi, j'ai trouvé que le match était pas mal du tout, puisque même s'il y avait ce petit côté, il se fait marcher dessus pendant quasiment tout le match, et à la fin, il revient, déroule son moveset, bah voilà, le fait qu'il ait mis un Superman Punch dans le match, puis doivent en remettre un deuxième, puis un Spear pour coucher Bray Wyatt, j'ai trouvé que c'était plutôt, je dirais pas flatteur pour Bray Wyatt, mais du moins pas aussi écrasant que bien des victoires de Roman Reigns ces derniers temps, même s'il gagne de façon incontestable sur ce match, bien au moins il a dû mettre deux finishers enchaînés, ce qui est généralement plus ce qu'il conserve pour des matchs de pay-per-view, pour les weeklies c'est un peu plus rare. Donc du coup, peut-être que c'est un moyen de conserver quand même la crédibilité divine entre guillemets de Bray Wyatt. Donc bon. Moi j'ai envie qu'il trouve quelqu'un que Wyatt a le droit de battre. C'est-à-dire, en fait, je me dis, ils font les choses bien à chaque fois jusqu'à un moment avec Wyatt. Soit ils font les choses genre juste mal, ou alors quand ils font les choses bien, ils les font mais à 90% ou à 95%, et il manque toujours ce moment où on décide de le faire gagner contre quelqu'un et qui domine contre quelqu'un. Et c'était pareil du coup au match d'Extreme Rules, c'est-à-dire match d'Extreme Rules. Si on doit faire un classement des gens qui ont dominé dans le match, qui ont été vraiment violents, etc. Moi, je mettrais Wyatt tout en haut, tête deuxième derrière Reigns. Derrière qui? Parce que, non, mais le truc, c'est que c'est pour ça que ça m'a surpris aussi. Enfin, ça m'a surpris. Bon, c'est pas vraiment la logique du catch non plus. Mais Joe a gagné, alors que j'ai pas trouvé que c'était vraiment Joe qui avait mis la grosse patate dans le match du pay-per-view. Ça, on verra, c'est plus l'opportunisme, le réalisme vétéran. Voilà, c'est le réalisme sur le terrain. Exactement. Voilà, il s'est transformé, Joe, au moins. Voilà. Il fait un gros match, mais quand il a la balle devant les buts, il tire et marque. C'est le principe. Mais non, je salue quand même. Pour Wyatt, le problème, c'est que de toute façon, à l'époque où il était en équipe avec les autres, c'était qu'un travail d'équipe où il trichait à plusieurs. Et je pense qu'ils ont peur de le faire gagner dans des rivalités à terme. Pas juste un match, mais vraiment les rivalités. Parce qu'ils en font quoi? Ils savent pas trop quoi faire vraiment quand ce gimmick. Encore que récemment, il commence à parler depuis quelques mois, depuis qu'il a touché le titre mondial du côté de SmackDown, il commence à parler de vouloir des ceintures et de faire des analogies dessus, alors que pendant 90% de sa carrière à WWE, Wyatt n'a jamais parlé d'avoir une ceinture. Donc c'est encore récent, donc ils ont encore effectivement du progrès à faire de qu'est-ce qu'on fait de la gimmick du personnage de Wyatt s'il gagne. Voilà. Il commence à alléger le côté mystique et ses promos sont beaucoup moins abstraites qu'avant hein, ces derniers temps, je trouve. Là, par exemple, dès qu'il dit « je suis un dieu », juste après, il explique quand même « parce qu'il y a besoin d'un dieu pour battre Brock Lesnar », tu vois. Oui. C'est pas juste « je suis un dieu et puis je vous domine tous et blablabla ». Je suis le nouveau visage de la peur. Voilà. Il veut battre Lesnar et il y avait une bonne idée derrière le fait que il y a le mec qui se prend pour un dieu, enfin le dieu contre le monstre, tu vois. Il y avait une bonne idée derrière ça. L'archange Michael qui enfin George, je sais plus qui tue. Mais la bête, le diable, Satan, Thor qui tue le serpent. Bref, c'est mythologique tout ça, voilà, c'est beau. Mais je salue le fait que au moins même s'il gagne pas, la WWE le book quand même assez fort. Il met des sales mandales quand même à Reigns hein, dans la clothesline de Bray Wyatt, hein, je m'en lasse jamais, quoi. Il a une clothesline, il décapite les gens. Hein. Ah, c'est clair que c'est la clothesline des Wyatt, hein, que autant Bray que aussi Luke Harper a une belle clothesline aussi, mais le chef n'est pas en reste. Hein. Alors du coup, tu salues ça, tu loues le fait qu'il soit booké fort, et c'est vrai, depuis qu'il est depuis le brand split, hein, enfin pas depuis le brand split, depuis finalement là le super shake-up, il monte, il est quand même des top heel de Raw. Mais est-ce que tu salues ce qu'ils font sur la prochaine séquence qui suit, c'est ce qu'on verra, puisqu'on retrouve après ce match Charlie Caruso backstage avec Enzo et Cass, c'est soft, hein, donc vous vous souvenez, ce qui vous tient en haleine depuis 2 semaines, c'est que chaque semaine, Enzo se fait tabasser dans les coulisses. Donc là, ils expliquent en gros, les softs, que cette fois-ci, ça n'arrivera pas, puisque Big Cass va le surveiller, ne va pas le lâcher d'une semelle. Pendant ce temps-là, Enzo est en train de draguer plus ou moins gentiment donc Charlie Caruso. Il reste un peu comme ça, Cass qui a fini sa ligne part, et Enzo se rend compte que Cass n'est plus là au bout de 30 secondes, il fait hey, « qu'est-ce que tu fais tu m'as déjà abandonné, etc. » Je passe de suite à un peu plus tard dans le show. Qu'est-ce qui se passe avec nos deux loustiques? Eh bien, on voit le Miz et Maryse qui, eux, s'apprêtent à aller célébrer la reconquête du titre incontinental par le Miz quand ils voient, évidemment, Big Cass étendu au sol. Donc, nouveauté, ce n'est plus Enzo qui se fait tabasser, mais c'est Big Cass. Forcément, tout le monde arrive, Enzo aussi. Big Cass qui reprend ses esprits, qui tend une chaîne. Et la chaîne, vous l'avez jamais vue, mais vous savez que par le mauvais goût de cette chaîne, il n'y a que Enzo qui peut la porter. Donc, du coup, Enzo qui fait waouh, attends, qui que ce soit qui t'a attaqué, il me l'a pris la semaine dernière ou la semaine d'avant et essayer de te monter la tête contre moi, c'est pas du tout ça, mec. On va savoir ce qui se passe. Là, l'infirmier ou le médecin dit bon, ben, Cass, faut que t'ailles chez le doc pour te faire penser les blessures, etc. Mm-hmm. Enzo dit ben non, on a un match, hein, il peut pas m'abandonner, je peux pas m'en sortir seul, comment on fait? Eh bien, il faudra trouver un autre partenaire, Enzo. Et plus tard, en émission, arrivé sur le match, donc Enzo arrive sur le ring, on a le club, hein, Gallows Anderson, qui sont là, et donc Enzo qui fait sa petite gimmick habituelle et qui accueille son partenaire du soir, qui n'est pas Geek Ass, wow, mais qui est un géant. Et oui, tu l'as susurré. C'est le gros chauve. Le gros chauve, un géant pour remplacer un autre géant. Donc, il y a une petite séquence un peu rigolote où Enzo blague avec le Big Show qui regarde ça très sceptique, très « je ne réagis pas, je ne souris pas ». Enzo qui fait « je trouve ta main si chaud, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux maigrir pour rentrer chez les Cruiserweight ou quoi ?» Bref, un petit segment, on a doute. Est-ce que le Big Show va pas étaler Enzo d'un knockout punch ? Ben non, le Big Show, ben il est en mode face en ce moment. Donc, il prend le micro, il refait les catchlines de Cass. Donc, tout le monde rigole. C'est super lolilol, s'ensuit un match squash assez intéressant où le Big Show fait tout le boulot et à la fin il prend Enzo et refait la prise, boum chakalaka, en le lançant sur ces pauvres Gallows Anderson qui sont fait encore une fois humilier. À la fin de ça, ils sont dans les backstage en train de rigoler, Big Show et Enzo, ils sont passés une bonne soirée. Il y a Cass qui arrive, qui est un peu vénère, qui fait hey, « Eh Big Show, ça fait des semaines qu'on ne te voit pas, et là, juste au moment où je suis out, il faut un remplaçant pour Enzo, tu débarques. » Big Show qui coupe court, il fait « Écoute, moi je suis un géant, je peux pas attaquer les gens dans le dos, ça se voit. » Donc du coup, c'est pas moi, allez les gars, bonne soirée, à la prochaine. Voilà pour ces longs segments tout du long de l'émission concernant les softs. Qu'est-ce que tu penses de cette intrigue? Parce que le match, on va même pas le commenter, je pense, hein, mais enfin, tu peux dire ce que tu veux. C'est ironique parce que je viens de me rendre compte que le verre dans lequel je bois, là, c'est les verres Enzo et Cass là, de Slamkrate. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé? Moi, ça me dérange pas. Je t'ai trouvé comment dirais-je? Joueur, en décrivant les trucs parce que, moi, ça me. C'est peut-être aussi parce que je suis les émissions un petit peu. Là, c'est le premier Raw que j'ai vraiment regardé de A à Z depuis quelques semaines. Moi, ça me dérange pas. J'ai même trouvé ça marrant le passage sur scène avec Big Show qui. Je me suis dit c'est tellement casse-gueule parce qu'il va faire il va imiter Cass etc, ça va être ridicule. Finalement en fait c'était sympathique. Puis à la fin bien. En fait ouais voilà et le boom shakalaka où en fait il sait pas comment ça marche donc du coup il le garde en l'air comme ça il fait attends qu'est-ce que je fais c'est innocent mais sur l'intrigue qui se développe sur les agresseurs mystérieux d'Enzo et Cass et qui essaient de monter l'un contre l'autre on va pas être content à la fin. De toute façon, on les connaît ces genres d'intrigues. À chaque fois, on se dit, oh, ça serait trop bien si c'était ça et si c'était ça. Et puis à la fin, en fait, ça va être le truc le plus évident hein, et on va faire voir. Ou le truc le plus what the fuck et décevant. Rappelez-vous l'intrigue du general manager anonyme de l'ordinateur qui s'avérait être en Swoggle. Hein, voilà. Rappelez-vous de ça. Donc voilà, là tout le monde imagine un truc super super tarabiscoté, genre c'est Enzo qui fait semblant de tomber machin. Après du coup c'est Kaz, donc peut-être qu'en fait c'est Kaz qui l'attaquait et puis maintenant Kaz il assure ses arrières en faisant semblant d'être attaqué. Je pense que c'est pas aussi compliqué que ça. À la fin, on va nous dire ah bah en fait c'était le revival depuis voilà, le début. Hein, le revival qu'on aperçoit dans un autre segment d'émission en fond, en train de faire des trucs de top guys. Et la semaine dernière, hein, ceux qui ne se rappellent plus, effectivement, les revivals sont plus ou moins se pressentis pour avoir attaqué Enzo et Kaz depuis plusieurs semaines. Voilà, il y a même des gens qui disaient pendant un temps que c'était Corey Graves, enfin c'est n'importe quoi. Voilà, moi j'ai pas un énorme intérêt pour cette storyline, mais je suis curieux, je trouve ça meilleur que ce que faisait Enzo et Kaz il y a un mois. Hein. Ouais, bah, donc, c'est vrai qu'ils n'avaient jamais eu de vraie storyline, hormis celle avec Rousseff et Lana, qui était un peu plus de vaudeville et soap opera, donc pourquoi pas. On a un autre segment, une autre storyline à mystère, à enquête, hein, dans l'épisode de Raw depuis maintenant deux, trois semaines, puisqu'on a donc effectivement Corey Graves, justement, qui avait montré un texto étrange à Kurt Angle, qui raconte des saloperies, vraiment des gros mensonges dégueulasses sur Kurt Angle. Kurt Angle est stressé depuis, et on le revoit en train de lire sur son portable, mais c'est pas possible cette histoire, au moment où Alexa Bliss débarque. Et Alexa Bliss attend qu'elle se fasse féliciter, puisqu'elle a gagné de façon éclair le match comme elle avait annoncé contre Bayley, ce Kendo Stick on the Pole match. Et donc voilà, elle fait écoute. Stipulation de merde, ouais, pour déconner, j'ai jamais entendu un truc aussi débile. Et c'est pas nouveau pourtant, hein, mais ils l'ont pas oublié, on sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un dans la WWE qui adore ça, Stamford, allez savoir. Et donc elle dit ce soir, Kurt Angle, c'est bon, j'ai prévu, ça va être un show super, ça va être Alexa Bliss, This is your life, en référence au segment de la semaine dernière, hein, qui avait été mon flop. Et Kurt Angle est d'accord avec moi, qui fait non, on va pas faire ça, parce que le segment la semaine dernière, c'était un des pires trucs qu'on avait jamais vu à Raw. Merci de m'avoir écouté, Kurt, c'est sympa. Donc du coup, à la place de ça, bah du coup, va y avoir un match pour le titre, hein, Nia Jax versus Alexa Bliss, puisqu'elle avait promis à un moment donné contre les services de Nia Jax qu'elle ait une opportunité, et c'est ce Kurt Angle book. Donc Alexa Bliss qui va aller pleurer auprès du reste du roster du vestiaire féminin, donc auprès de Sasha Banks, Mickie James et Dana Brooke, en me disant oui, Nia Jax c'est un problème pour nous toutes. En gros, ils lui font non, la seule qui a un problème, Nia Jax, c'est toi, cocotte, et tu vas perdre ton titre ce soir. Plus tard, on a le match. Un match assez rapide où la partition est jouée, est assez classique. Nia Jax est écrasante et dominante physiquement. Alexa Bliss qui essaie de placer des petits coups en implorant sa vie sauve face à la géante, mais rien n'y fait. À un moment donné, Dana Brooke et Mickie James vont près du ring pour voir ça de première loge. Alexa Bliss à l'extérieur, elle se retrouve nez à nez à elle. Elle commence à l'échauffer jusqu'à ce que Mickie James lui balance un gros coup d'avant-bras. Disqualification donc de Nia Jax. Alexa Bliss retient son titre. Nia Jax est pas contente du tout. Bref, elle tabasse tout le monde et elle s'en va. Que penses-tu de l'état de la division féminine en ce moment, Hank? Alors attends, parce que là, c'est la question philosophique là après. Ouais. J'ai parlé d'abord des segments. Moi, j'ai vraiment. Alors, d'un côté, j'ai trouvé ça très drôle le truc de Kurt Angle. D'un autre côté, faut avouer que c'est quand même assez salaud parce que c'est les mecs. Ils se rendent compte juste après leur segment que le public a détesté sur internet, ça a été qualifié d'un des pires segments qu'ils ont jamais vu dans Raw. Et les gars, ils mettent tout sur la gueule d'Alexa Bliss dans le show d'après. Bon, après ça restait drôle que Angle reconnaisse ça. Mais même Alexa Bliss, du fait qu'elle dit ce soir, je vais faire Alexa Bliss, this is your life, this is my life. Bon, voilà, c'est une façon de se moquer. On sait très bien que c'est le mec a pondu cette idée des scénaristes et bookers, et qui s'est foiré. Et Alexa Bliss, elle a essayé de sauver les meubles autant qu'elle pouvait. Ah, lui, faut qu'il se fasse virer là, le mec qui a fait ce segment là. C'était mort dès l'écriture, quoi. Parce que non seulement il a fait un segment de merde, mais en plus il durait il durait tellement longtemps ce segment. Ah, c'était pour rien, c'était pour un coup de stick au final. C'était n'importe quoi. Bref, on va pas refaire l'histoire. Ouais. Et donc, l'autre segment, par contre, je l'ai trouvé très très drôle, le segment dans les vestiaires. Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment bien joué. Enfin, de toute façon, Alexa Bliss, elle est incroyable hein, au micro, en train de parler aux autres. Le match, c'était pas vraiment un match, quoi. C'était un petit truc. Mais l'état de la division, je sais pas. Cette semaine, ça stagne, mais en même temps, je trouve ça bien parce que ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont voulu jouer la cohérence, ce qu'ils font jamais, c'est-à-dire genre on a promis un title shot à Nia Jax, il y a des plombes, et ben on va s'y tenir. Mais en même temps, ça serait complètement con que Nia Jax gagne maintenant parce qu'elle a pas de elle a pas de momentum, comme on dit, elle a pas catché d'ailleurs, je crois la semaine dernière. Elle aux abonnés absents depuis un petit moment Nia Jax depuis qu'elle a essayé de tuer Charlotte hein, finalement. donc voilà, ça fait au minimum deux semaines sans Nia Jax, donc elle va pas se ramener et puis gagner la ceinture. Donc et pourtant il la boucle tellement fort, tellement puissant par rapport à toutes les autres. Il y avait que Charlotte, on pouvait imaginer peut-être de résister telles qu'elles sont bookées dans le main roster, hein, que à partir du moment où la match de championnat contre Alexa Bliss ou contre Sasha Banks ou contre Bayley ou qui que ce soit, à part s'il y a une triche ou une astuce comme là, comment ne pas la faire gagner? Donc à un moment donné, il faudra bien qu'ils mettent la main sur la ceinture. Je suis d'accord avec toi qu'il vaut mieux qu'ils construisent la chose, c'est une progression, qu'il y ait une envie, qu'il y ait une hype, qu'il y ait un momentum, comme tu dis, qui soit autour. Mais il faudra pas la faire catcher à X matchs de championnat avant de la faire gagner, parce que bon, c'est... Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, il fallait remettre les choses à plat, et au lieu de d'oublier totalement le title shot, ils l'ont joué, maintenant c'est remis à plat, il y a les deux autres, du coup, Brooke et Mickie James, qui vont aussi sûrement demander un petit peu leur opportunité, donc du coup... Ça va y avoir quelque chose comme peut-être un fatal four way ou je sais pas quoi, enfin un truc ouais. pour déterminer une nouvelle contendeuse en attendant que Bayley soit remise. Moi je verrais bien Banks du coup repartir à la chasse, hein, pourquoi pas. Mais d'ailleurs on a vu des images de Bayley qui était un petit peu ridicule d'ailleurs. Ouais, c'était un petit peu ridicule parce que c'est des gens. Oui, alors voilà les séquelles de Bayley après le match. Elle a des traces de kendo stick dans le dos, mais elle s'est pas cassée quelque chose. On nous dit pas qu'elle s'est cassée la jambe, on nous dit pas qu'elle s'est déboîtée l'épaule, on nous dit juste. C'est un peu genre attention, ce sont des femmes, ce sont des petites poupées. Donc là, regardez ces trois traces de kendo stick. Voilà, elle a trois griffures dans le dos. Ouais. Il faut qu'elle reste à la maison. Ça manque un peu Photoshop cette photo. On est d'accord. Donc Bayley, on sait je pense pas qu'on va la voir, ou alors on va la voir en interview seulement la semaine prochaine. On va pas la voir dans. Non. Je la vois pas dans le ring avant au moins deux semaines, quoi. Ouais, tout à fait. Puisque pour ceux qui n'auraient pas vu, Extreme Rules, elle s'est fait battre Bayley assez salement. Elle s'est fait squasher, là. Donc là, elle est un peu enterrée pour un petit moment. Bref, on verra comment la hugueuse rebondira. On poursuit avec quelqu'un avec qui on commence à être familier maintenant. Le Drifter, Elias Samson, qui est dans le ring. Oh, je t'aime. Je t'aime, le Drifter. Voilà, donc qui a un fan au moins la personne de Hank. Donc Drifter est au milieu du ring et entonne sa chanson en demandant effectivement au public, comme il le fait depuis quelques semaines, qui veut marcher avec Elias. Et donc il fait une chanson où en gros il trash la ville en disant que c'est une ville de pecno et de merde, hein, jusqu'à ce que y ait Dean Ambrose qui débarque, qui l'interrompe. Et donc du coup Dean Ambrose dit ok, attends, j'ai un truc à dire. Et puis il commence à frapper Elias Samson et à le virer du ring en disant suffit ces conneries, moi je veux mon title match, mon rematch, parce que j'ai perdu hier à Extreme Rules ma ceinture intercontinental, je veux mon rematch ce soir. Donc il y a le Miz qui apparaît à l'écran sur le Titantron avec Marie, ils sont en train de se faire maquiller, et hey, Dean, ce soir c'est la célébration de mon comeback tour pour le championnat intercontinental, donc pas de match ce soir, t'as rien à faire, allez va-t'en. Là, Samson, pendant ce temps-là, le Drifter commence à drifter dans le dos de Dean Ambrose. Et donc, lui place son rolling cutter, hein, son finisher. T'as entendu la phrase qu'il a dit après? T'as pas entendu la phrase? Non. Après qu'il l'ait attaqué, une fois qu'il est par terre, il fait: tu vois ce qui se passe, Ambrose, quand on me frappe avec un micro? Ok. Pas mal. Oh, Pas mal, pas magnifique. mal. Comment justifier une attaque comme ça? Oui. Ah, voilà! Donc, Dean Ambrose qui, après, va aller se plaindre dans coulisses auprès du manager, hein, Kurt Angle. Et Kurt Angle qui fait: écoute, attends, lâche-moi, Dean Ambrose. Là, j'ai Maryse sur le dos qui arrête pas de m'emmerder. C'est elle qui organise la célébration, la fête pour le Miz. Donc, je veux pas avoir affaire à elle. Donc, écoute, ce soir, tu prends ta soirée. C'est même pas, je te demande ça en ordre. Tu prends ta soirée, tu auras ton rematch, mais plus tard. Et donc, Dean Ambrose qui va pour partir de l'arène. Qu'est-ce que tu as pensé de ce drifter donc, que tu sembles aimer autant et de ce qui a suivi? La chanson était pas aussi bien que celle qu'il a fait à Ouais. Extreme Rules. Il disait Baltimore est une ville bathed in filth, enfin c'est Oui. genre Baigné dans la crasse, la crasse, ouais voilà. qui serait dépressif s'il y Parce que habitait. c'est et ça, je m'en suis souvenu que du coup quand j'ai regardé un autre podcast où c'est vrai que à Baltimore, ils ont tourné The Wire et enfin Ouais. ils ont tourné quelques des trucs criminels. Il y a pas mal d'histoires là-bas quoi. Donc du coup, c'était marrant. Non, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le fait que ils lui ont donné, comme disent les Américains, sa comeuppance, c'est-à-dire son retour de bâton après que Ambrose l'ait mis à terre. L'histoire de pas le faire passer du coup. Du côté de la barrière Jobber, tu vois. Oui. Là c'était bien, ça va pas diminuer Ambrose, de toute façon on va le Non. voir plus tard. Non, c'est très Donc bien. C'était ouais, c'est très effectivement une bonne. Il le gère pas trop mal pour l'instant. Il tâtonne, hein. Il essaie et il est de faire préservé court le hein, gimmick. il est préservé pour l'instant. Ouais. En tout cas, je suis content de ne pas le voir comme la semaine dernière en train de squasher un no-name, hein, un jobber local. Parce que bon, le traitement, Braun Strowman, ça va une fois, mais Ah bah de ça va toute pas tout le temps. façon, hey, Samson, t'es content quand tu le vois pas faire un match. J'ai dit que je l'adore, mais je l'adore comme personnage. Il a jamais fait un match intéressant à NXT. Et j'en ai vu un paquet des matchs de Samson à NXT. Mais bon. Ouais. Donc on verra pour Samson, c'est fini pour ce soir. Dean Ambrose, évidemment, on le retrouvera un peu plus tard parce que c'est le Lunatic Fringe, instable, l'Asylum, tout ça. Donc forcément, il va pas écouter ce que lui dit Kurt Angle. Mais pour le moment, gros morceau de la soirée, c'est le vainqueur du match phare de la veille, un Extreme Rules. Donc Jonathan le Samoan, Samoa Joe, qui débarque. Puisque donc c'est annoncé au prochain pay-per-view d'Euro qui s'appelle, et c'est pas une connerie, Great Balls of Fire, donc les super boules de feu, que Samoa Joe essaiera de prendre le titre de la bête Brock Lesnar. Et donc Joe vient faire un statement, comme on dit, sur le ring. Hein, donc il dit que voilà, tout le monde regarde l'homme qui va affronter Brock Lesnar et qui, surtout l'homme qui n'a pas peur de Brock Lesnar, parce que Joe n'a pas peur de Brock Lesnar, parce que Joe, il envie Brock Lesnar. Joe, il envie le planning de star hein, qu'a Brock Lesnar, le fait qu'il vienne une fois et puis il repart pour 2 mois, il n'a pas à venir catcher toutes les semaines parce que Joe, ça le gonfle. Joe, il a envie d'avoir Paul Heyman aussi pour faire ses courses et pour être son représentant officiel. Mais surtout, Joe, ce qu'il veut, bah, c'est forcément le titre universel de Brock Lesnar. Donc, Joe, il va l'affronter, il va le prendre jusqu'à ce qu'il soit coupé, pas par Brock Lesnar, mais celui qui fait son travail de micro aussi, Paul Heyman, qui du coup, dans une promo, comme il sait bien le faire, hein, avec une certaine maestria, dit que Joe est vraiment le premier prétendant, le first contender, même s'il y a quelque temps il était venu dire à Finn Balor que il verrait bien Finn Balor être le gagnant parce que ben, du point de vue de Paul Heyman, Finn Balor était le meilleur scénario pour son client Brock Lesnar, alors que Joe c'est le pire scénario pour Brock Lesnar. Mais ce qui est important, c'est que son boulot à Paul Heyman, c'est de faire en sorte que Brock Lesnar soit aussi le pire scénario envers Joe, puisque Brock Lesnar n'a pas peur de Joe comme Joe n'a pas peur de Brock Lesnar. Donc voilà, tu l'as voulu Joe, tu vas l'avoir, tu as rendez-vous Brock Lesnar. Sur ce, il se serre la main de façon gentleman. Paul Heyman commence à partir, sauf que Joe n'a pas terminé. Il fait: attends, j'ai un truc à dire, Paul. Et puis il commence à marcher vers lui de façon un peu plus agressive. Paul se retrouve bloqué entre les cordes en disant: Eh, moi je suis qu'un avocat, hein. Joe, écoute. Il a plus son micro aussi. Ouais. Juste pour préciser, c'est pris avec le micro de la caméra, donc du coup Ouais. c'est très genre petit message, c'est pas pour le public. C'est ça. C'est vrai que tu as bien raison de le rappeler, ça rajoute dans l'emphase et ce qui suit, puisque donc effectivement Joe lui dit, écoute, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon bras autour de ta gorge et je vais serrer très très très fort jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Et je veux que tu racontes exactement comme seul toi peux le faire, Polly, ce que tu as ressenti, parce que c'est ce qui va arriver à Brock Lesnar. Donc là, Eman n'en revient pas et Joe met sa menace à exécution, le chope, lui met la coquina clutch jusqu'à ce que Paul Heyman soit une grosse baudruche couleur pivoine bleu-violet, il passe partout, jusqu'à ce qu'effectivement il soit complètement KO et Joe s'en va, laissant Paul Heyman aux bons soins des médecins qu'on retrouvera un peu plus tard dans la soirée, en train de se faire soigner, son téléphone sonne. On voit la caméra que c'est Brock Lesnar qui l'appelle. Et donc, concrètement, ce qu'ils se disent, c'est que, ben écoute, là, Brock, il est temps de lâcher la bête. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être là la semaine prochaine à Raw et qu'il est le temps, vraiment le temps, de faire naître chez Joe la peur, la vraie grosse peur. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Hank? C'est un des meilleurs segments de l'année. Ah, je suis content que tu C'est apprécies, parce ah que, bah tout le pareil, monde, c'est rare. je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Ouais. C'est Samoa Joe, il a vraiment le talent pour au bout de 1 minute, 2 minutes dans ses promos, t'as l'impression que t'es dans un film. T'as l'impression que c'est vraiment une séquence. Et là le moment où il parle à Heyman, mais c'est tellement une scène de raquette ou une scène de t'es dans un film un peu, je sais pas comment dire, un truc de contrebande ou une embrouille Ouais, entre où t'as un gangsters, gros c'est de bras de la la grosse mafia qui menace, fait ouais. voilà. Ok, maintenant je sais Et comment ça se passait, ça se passait comme ça, et t'as pas envie de le contredire, le mec. C'est, ouais, il est effroyable. il a une façon de délivrer son texte qui est tellement précise et tellement sans hésitation et qui est Ouais. naturelle, mais qui est et Heyman joue parfaitement la peur. Il est aussi magnifique, Heyman, parce Ah que oui. il monte au niveau les expressions du visage, il monte en flip au fur et à mesure du discours de Joe. Ouais. Enfin, il fait Non mais c'est ça, hein, comme tu dis, Heyman, à chaque fois, enfin moi je suis un gros fan de Paul Heyman, à chaque fois au niveau du promo ou quand il y a une interaction avec quelqu'un, il place la barre haut et il aide les gens à aussi s'élever. Et quand t'as quelqu'un en face qui est comme Joe et qui sait jouer avec son corps, son visage, ses gimmicks, son verbe, sa façon de parler, son rythme, les deux ensemble, ça fait un truc du feu de Dieu, quoi. Enfin ouais, cette séquence vraiment, regardez-la, elle est, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on veut voir. Et rien que pour ça, je suis content que Joe ait gagné. Parce qu'au-delà du fait de se dire, ok, Joe versus Lesnar, bah, c'est pas une affiche dégueulasse, ça me donne bien envie, en plus, c'est complètement inédit. Bah voilà, si ça peut donner effectivement plusieurs segments jusqu'à ce pay-per-view, jusqu'à ce Great Ball of Fire, des segments de cette qualité-là, je pense qu'on peut être plutôt satisfait. Ouais, et c'est là aussi qu'on voit que Joe, c'est un mec qui a une expérience de ouf et qui arrive, ça fait 4 mois qu'il est là et il tape un segment qui est digne d'une superstar qui a 10 ans à la WWE, quoi. Il est Bah, de toute façon, il a 10 ans impeccable, ailleurs. quoi. Il a eu 10 Oui, ans à oui. TNA, à la Ring of Mais Honor et d'autres comme on endroits. le dit, Donc, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, il ouais. y a aussi des mecs qui ont peut-être pas 10 ans, mais qui ont 5 ans en indé, etc. Ils arrivent et ça clique pas, ça marche Bien pas, quoi. sûr, bien Ils sûr. n'ont pas le bon perso ou Ouais. autre. Mais Joe, c'est vrai que son personnage, lui, la force qu'il a, c'est que son personnage n'a quasiment jamais changé depuis de Voilà, nombreuses ouais. années. Hein. Moi, je le regarde depuis très longtemps à TNA, Ring of Honor, il a le même. Il sait tellement être menaçant, ne serait-ce quand la caméra le suit, qu'il fait son entrée et qu'il regarde la caméra et qu'il fait des petits signes de tête comme ça. On fait, ouais, monsieur, non, c'est pas moi, non, je ne vais pas vous emmerder, allez-y, passez, je vous en prie. Ouais, On voit, et il il est joue là-dessus, c'est crédible. nickel. Ouais. Et enfin, je veux dire crédible, pas seulement au niveau du discours, mais aussi physiquement. On aurait vu un Balor qualifié, tu vois, ça aurait été plus compliqué, quoi. Même si, Oui, ça aurait été un autre scénario, ça moi, aurait été le j'ai du David contre mal. Goliath, Ouais, j'ai du mal à. Même si Balor, il peut être impressionnant, même dans le match du Extreme Rules, il était impressionnant. J'aurais du mal à voir, je sais pas, dans le ring, l'affrontement la semaine prochaine, genre Balor face à Lesnar et me dire, ouais, il a une chance. Bof. Ouais, je comprends. Je conçois, ils ont tellement buildé Lesnar fort et destructeur, hein, que oui, il faut un mec plutôt balèze, on va dire, pour qu'il soit une menace crédible, du moins aujourd'hui. Joe, on le reverra juste après aussi en backstage avec Kurt Angle, qui bien sûr l'engueule hein, pour ce qu'il a fait à Heyman. Et donc Joe, il dit, mais écoute, toute personne qui se met en travers de mon chemin, je l'écrase. Donc est-ce que toi, Kurt, tu te mets en travers de mon chemin? Là arrive le sauveur, donc le Kingslayer, Seth fucking Rollins, qui fait non, il se met pas en travers de ton chemin. Par contre, moi, je me mets en travers de ton chemin. J'ai pas oublié que t'as failli me baiser ma carrière en me blessant il y a quelques mois. J'ai pas oublié. Donc du coup, ce soir, on va avoir un match tous les deux. Ça va pas se passer comme ça. Et c'est ce qui est programmé par notre general manager comme étant le main event Samoa Joe contre Seth freaking Rollins, qu'on verra effectivement sur la fin. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un petit focus sur la division par équipe, hein, donc puisqu'on a de nouveaux champions, les deux fois champions maintenant, Cesaro et Sheamus, qui ce soir affrontent eh bien Heath Slater et Rhino, qui c'est d'ailleurs la première fois, je crois, qu'on les voit à Raw depuis le Shake-Up. Un match assez court, assez bref, où Cesaro va essayer de contrôler le dehors du ring hein, en occupant l'adversaire pendant que Sheamus balance des gros coups de poing et des bro kicks à tout va jusqu'à ce qu'il fasse un break kick final sur Heath Slater. Donc victoire des champions par équipe qui font une petite promo ensuite pour dire voilà que bah, les seules personnes qui sont dégoûtées enfin, les gens qui sont dégoûtés que Matt et Jeff Hardy sont revenus, bah, c'est Matt et Jeff Hardy parce que là ils sont chez eux en train de soigner leurs blessures parce que nous on est une équipe intelligente, on a gagné hier et d'ailleurs on n'est pas juste des personnes qui fixons le niveau, qui fixons la barre, on est la barre. Ça, Voilà. c'est vraiment con comme. D'où l'explication de leur pouce comme ça, peut-être, c'est la barre, hein, voilà, c'est peut-être ça, je sais pas. C'est une petite barre. Ouais. Alors, est-ce que non, t'es mais il n'y a content de pas. revoir les ceintures sur Sheamus et Cesaro? Je sais pas encore, en fait. Ouais. J'ai du mal à. J'ai du mal parce qu'ils nous ont sapé. Ils nous ont sapé le plaisir de supporter une tag team qu'on a commencé à adorer quoi. Du coup maintenant ils sont heel, mais ça leur va moins bien je trouve. Donc du coup c'est moi j'ai du mal à voir Cesaro en heel, hein, surtout Cesaro quoi. Autant chez Je lui, sais c'est pas. facile avec sa Ouais, voilà. dégaine, ses piercings, son Iroquois et son côté ultra brutal, ça passe facilement. C'est vrai que Cesaro, Ouais. on aimait tellement ce côté mal apprécié par les bookers et on aimait le voir au fur et à mesure progresser dans la carte avec les dents semaine après semaine. Ça, genre, vas-y, Ouais. tu vas y arriver, mec, c'est Zero Section. C'est vrai qu'on nous a un peu enlevé un petit chouchou là et autant il y aurait eu un gimmick heel qui soit génial. Je pense qu'on aurait sauté le pas, mais c'est vrai Ouais. que là, ça tâtonne et Et c'est pas aussi ils trop avaient un bon. truc, enfin c'est pas qu'ils faisaient non plus de l'humour très très souvent, mais ils avaient ce côté un peu comique et ils ont Ouais, complètement. perdu, enfin peut-être qu'il y en a un mais que je trouve pas drôle, mais ils ont perdu leur côté comique, donc du coup Ouais. ils sont pas assez heel pour être vraiment je trouve détestables et ils sont pas comiques non plus, donc du coup ils manquent vraiment quelque chose, Ouais. Bah, de donc toute voilà c'est. manière, je trouve, je suis personnellement, hein, j'ai déjà dit, je suis pas très convaincu par les Hardys, notamment par Matt, en termes de ring. Hein, leur match à Ouais. Extreme Rules, j'ai pas trouvé ça. Il y a plein d'incohérences, d'illogismes par rapport à la stipulation Sikh, je trouve. C'était Ouais. vraiment incompréhensible, les décisions des uns des autres à un moment donné. Et pareil, chez Sheamus et Cesaro, leur façon, il a le nouveau gimmick, on est la barre. J'ai du mal, donc ouais, c'est pas très jouasse, les perspectives au niveau du top de la tag team. Vivement Ouais. que les top Et guys reviennent. puis petite larmichette Ouais. pour Slater et Rhino qui étaient Ah champions il y a un an ouais. peut-être. Ils se sont fait squatcher comme des grosses merdes. Hein. C'est comme tu dis, je Ah ouais, pense bah que c'est la là c'est première fois retour. depuis le Shake Up qu'ils sont arrivés à Raw qu'ils ont un match. Et ils sont là juste pour mais 2 minutes. Retour à la case jobage. Ouais. On n'a même pas vu leur intro. On est revenu de la pub, ils étaient déjà dans le ring. Enfin voilà. Ok, donc courage les gars, vous pouvez y arriver peut-être, Ouais. mais pas ce soir en tout cas, pas ce soir. Un qui veut y arriver, c'est qui? Eh ben, c'est TJP, TJ Perkins, hein, donc qui arrête Neville, le roi Neville qui a conservé sa ceinture, défiant les pronostics hein, et en battant Ocinaris que tout le monde voyait déjà avec le titre. Eh bien non, Neville a gagné contre Ocinaris, et donc TJP qui le félicite, il fait, hey, tu sais, on avait dit qu'une fois qu'on avait réglé le cas Ocinaris. ça serait moi le contender pour le titre. Donc c'est pour quand, c'est pour quand. Neville qui fait, écoute, petit péon, va déjà t'occuper ton match de ce soir. Je vais aller parler à Kurt Angle. Et donc c'est très logiquement qu'on a un match de cruiser. Donc TJP contre Mustafa Ali. Donc on a un match plutôt voltigeant, agréable entre les deux, qui sont de très bons athlètes. Hein, donc il y a des spots assez sympas. Il déroule leur arsenal, rien d'extraordinaire de nouveau, mais donc on a effectivement Mustafa Ali qui fait son fameux diving tornado DDT qui est vraiment de toute beauté. Et donc on a TJP qui à mon nez le bloque et lui met son detonation kick, une victoire clean, propre, impeccable. TJP qui fait la fête et dans son nouveau gimmick vachement arrogant, regardant encore le public et le ring, quand des feux d'artifice explosent. Et là, j'ai bien aimé le jeu de Perkins, hein, qui vraiment fait le mec affolé, apeuré, qui savait pas ce qui se passe. Et c'est donc les pyros du roi Neville qui débarquent. Donc TJP qui fait OK, il est là pour m'annoncer que c'est bon, on a le match. Il tire un peu la tronche, Neville. Il fait écoute, j'ai parlé avec Kurt Angle, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Donc TJP fait quoi? C'est quoi ce soir? Attends, on va leur parler ensemble, je veux mon match. Et en fait, il n'a pas compris, TJP. La mauvaise nouvelle, c'est pas ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a bien un match contre Neville. Mais demain, un 205, et Neville qui chope TJP et le tabasse comme le paysan qu'il est, en disant, tu crois que t'es à mon niveau, mais t'es qu'une merde. Allez, va te faire soigner pour ce soir. Rendez-vous demain. Je vais t'exploser à 205. Tu l'as fait un peu en speed, mais Mais moi, ouais. ce que j'ai trouvé le meilleur quand même dans cette séquence, c'est justement le passage où Neville arrive vers lui avec la tête un peu penaude et qui lui fait j'ai beau être le roi des cruiserweight, je suis pas un faiseur de miracles. Et ça faisait très, enfin en sous-texte, ça faisait très genre mec, t'es pas assez haut dans la carte. Et donc du coup Bah c'est ça, hein, il est pas au Neville level. voilà, et du coup après TJP qui fait oh non non non, on va retourner en coulisses, on va parler à Kurt, ça se passe pas comme ça. Et Neville qui joue tellement bien le fait genre putain, il me casse les couilles. Les yeux qui Il est s'énervent, ils se vraiment retournent. sérieux, il croit qu'il peut être dans le ring avec moi, mais non. Voilà. Et quand il le massacre, il lui fait t'es pas à mon niveau. Ouais. Grosse merde. Et puis, ce qui est pas. Enfin, après, bon, ça me dérange pas non plus, mais ce qui est pas très. J'ai pas envie d'utiliser cohérent parce que Giscal va encore. Mais Vas-y, donc, dis-le, lâche-le, t'as envie, ce qui lâche-le, est pas très cohérent. cohérent, c'est que le mec, il le Ouais. frappe et il dit t'es pas à mon niveau, etc. Il a fait donc on comprend qu'il a même pas, il a même pas demandé à Kurt Angle à mon avis. Mais et après il lui dit on aura un match demain à 205 Live et tu fais mais pourquoi tu lui donnes un match Ah, je pense. Non, juste avant. je suis pas d'accord. Je pense que peut-être qu'effectivement, Je veux que lui. t'as le même chose qu'il y a eu entre Alexa Bliss et Nia Jax. C'est qu'à un moment donné, il y a des D'accord. champions qui promettent à d'autres personnes, genre ouais, t'es le prochain sur la liste pour avoir un match, mais d'abord faut régler le problème de un tel. Et Ouais. derrière, le GM qui fait attends, je peux pas laisser les champions promettre des matchs comme ça et pas les assurer derrière. Donc, ça me paraît pas D'accord, incohérent que ça soit validé. Puis bon, de toute engagement. façon, 205 Live, il n'y a pas de GM, hein, c'est un monde un peu à part où il se passe des trucs, on sait pas trop pourquoi. Donc, ouais, non, je me paraît pas déconnant qu'il dise ça. Genre, et puis même, la mauvaise nouvelle, c'est ça finalement, quoi. C'est j'ai une unfortunate news for you, TGP. C'est ouais, c'est que demain, on a un match toi et moi, je vais t'écraser, quoi. Il y a Mais vraiment du ce coup, bah, c'est côté-là. un match pour la ceinture ou Oui, pas? pour Oui, la c'est un match ceinture, pour la tout à fait, ceinture. match pour la Donc du coup, ceinture. c'était une bonne nouvelle entre guillemets, même si là, c'est censé être une mauvaise parce qu'il est en train de, enfin, il le blesse, j'imagine, quand Oui, il est à terre. même la mauvaise nouvelle, c'est que de toute manière, il ne pourra pas gagner, il va être humilié TJP, parce que le roi est tellement haut, et Neville est tellement bon dans ce gimmick, et je suis vraiment content, même si j'aurais aimé voir Ossinaris avec un run de champion, hein, et ça arrivera tôt ou tard, mais je suis vraiment Ouais. content qu'il capitalise encore une fois sur Neville pour rester champion des Cruiserweight, parce qu'il fait tellement bien le job, que c'est Bon, impeccable. en tout cas, c'est une séquence qui est intéressante et je crois que c'est une des très rares fois depuis que le show a débuté que ça me donne envie de regarder 205 Live. Alors qu'à chaque fois ils Ouais. disent demain 205 Live et je fais on s'en fout. C'est Mais ça. là j'ai envie, là je veux voir. Et autre chose, je sais pas si tu as envie de le voir, c'est le nouveau film de Goldust. puisqu'on a un segment cette semaine, comme la semaine dernière, donc de Goldust dans son fauteuil de réalisateur. Donc vous savez, Artrous a fait un segment lui plus Brooklyn, Shaft, etc. Et donc Goldust qui fait oui, Artrous, il veut voler ma chaise de directeur, blabla, ça sera pas comme ça. Et derrière, plus tard, on aura Artrous qui refera un segment qui refera la citation de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. You're a mother, shut your mouth. Voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur ce qu'ils font de Goldust et Artrous, qui n'apporte rien de plus par rapport à la semaine dernière, hein, selon Claire. Il n'y a rien de plus à dire ou à voir. Prenez ce que la WWE vous offre comme package de départ à la retraite et allez-y. Allez-y, les gars. S'il vous plaît. Avec tout le respect que je dois à Goldust, hein, c'est pas mon époque, c'est parce que c'est pas l'époque où j'ai regardé le catch, mais non, non, on s'en fout, il faut arrêter, il faut qu'ils arrêtent. C'est pas, non. Je pense que c'est officiellement, ça serait pas pour être officiellement la rivalité de l'été. Vous savez, c'est comme la chanson de l'été, on l'entend pendant 2 mois et on s'en souvient pas, on n'entendra plus parler jamais parler. Et puis c'est écrit par des ringards, quoi. Genre depuis les citations de Pulp Fiction, c'est pas, on fait pas ça en 2017, quoi. C'est et pourquoi nul. Pas c'est, la citation de Pulp Fiction, c'est quand même un verset de la Bible, hein. Ézéchiel 25, 17, oui, mais... etc. Non mais c'est ringard quand même. Enfin, je veux dire le Goldust, c'est pareil. Je veux dire, c'est sympa pour les. En fait, ça s'adresse aux gens qui ont dans la 40-50 ans, qui ont regardé la WWE il y a 30. Ça s'adresse, je pense au plus ou moins, c'est des clins d'œil cinématographiques. Hein. Goldust, il fait des citations qui sont en référence de Gone with the Wind, qui est un vieux film des années 40 américain. Comment il s'appelle? Artrous, lui, il a cité Shaft la semaine dernière, Pulp Fiction. A Few Good Men, donc c'est vraiment cinématographie américaine qui s'affronte un petit peu. Donc oui, pour nous, peut-être public non américain, ça nous paraît vraiment sibyllin, mais niveau des États-Unis, ça fait référence plus ou moins à des œuvres majeures du cinéma. Mais après, c'est clair que ce sont deux superstars, non, mais je les connais, dont enfin, l'intérêt est plutôt il y a 20 ans, 15 ans que maintenant, on est d'accord. Ouais. C'est plus maintenant. Les références sont pas obscures, hein, mais c'est juste que c'est pas, voilà, c'est pas intéressant. En plus, autant Goldust, enfin là j'ai été méchant, mais autant Goldust il se tient, il sait faire une promo enregistrée, c'est plutôt bien écrit. Mais Artrous c'est catastrophique, c'est de la merde, et au bout de tant d'années, il sait toujours pas délivrer une promo avec une cadence potable, hein, c'est chiant. Hein. You're gonna get got. Ouais. Oh là là. Si c'est dire et what's up. Bref, what's up? Eh ben, on retrouve encore Kurt Angle, hein, accroché son téléphone, hein, c'est un GM qui n'en démord pas. Sauf que là, il va carrément voir Corey Graves à la table des commentateurs, donc Corey Graves qui se lève. Donc Corey Graves et Kurt Angle, ils parlent. Angle, il repart en coulisses, Corey Graves revient. Michael Cole demande de quoi ça parle. Corey Graves ne dit rien et Kurt Angle ne dira rien non plus quand un peu plus tard il est interrogé sur le contenu de ses messages. Ça ne nous apprend rien de plus, sauf qu'on voit le moment où Kurt Angle s'en va visiblement de l'arène et en profite pour se refaufiler dans l'arène celui qui a été plus ou moins viré un peu plus tôt pour la soirée, à savoir Dean Ambrose, qui se dit « Ah bah tiens, si le patron il est plus là ce soir, je vais revenir, il y a un mec avec qui j'ai envie de parler ». Donc, qui est resté, voilà. Il est resté au frais à côté des poubelles. Ouais, pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu, il a fait, je vais attendre mon moment. au sujet de cette storyline mystère entre Kurt Angle, Corey Graves, etc., okay, ton ressenti pour l'instant et ton pari sur le sujet. En fait, je trouve l'idée est bien, mais par contre, à chaque fois qu'il y a une séquence, je trouve ça tellement ridicule. Déjà, je trouvais que c'était très bizarrement écrit, je crois que c'était la semaine dernière. Ouais. Où t'avais Kurt Angle qui disait mais est-ce que c'est vrai ça et tout, et en lisant un de ses propres SMS, je crois. Donc du coup c'était étrange, genre tu devrais savoir si c'est vrai, si c'est un truc sur toi, si c'est un truc qui dénonce un truc sur toi, tu devrais savoir si c'est vrai. Donc du coup pourquoi tu demandes est-ce que c'est vrai ça? Is this for real, c'est sérieusement, ouais. Ça, sans déconner, il y a vraiment ça qui tourne, genre voilà quoi, c'est même si ce qu'il disait c'était un truc qui était inventé, il s'étonne du fait qu'on raconte ça sur lui. C'est plus ancien, ça. Isis For Real, mais ouais. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que ça reste récit bilan. On sait toujours pas, après 3 semaines, 2 semaines, on sait toujours pas c'est quoi le contenu et qui c'est qui peut être derrière. Donc on n'apprend pas plus. Hein. Ils saupoudrent, ils y vont lentement. Ouais. Ils construisent le truc vraiment petit à petit. Donc. J'ai lu comme quoi, je sais plus qui disait, enfin avait sorti cette vanne, sûrement sur Twitter, de genre quand Kurt Angle montre son portable à Corey Graves, c'est un peu comme quand t'es en train d'expliquer les SMS à tes parents. C'est genre, alors les ça gars, c'est un smiley, c'est un emoji. Okay, mais enfin, non mais voilà. c'est tellement ça, genre il montre son portable à Corey Graves, il fait oh, oh, genre c'est bon. Tu peux pas lui forwarder le message ou lui. Non, t'as besoin de lui montrer. Hey, regarde. Enfin bref, comment je fais pour répondre? Mais ouais, bon voilà, c'est. Tu paries sur quoi, on va toi? Dire que ça vaut le coup. Ça vaut le coup sur. Juste le dernier truc, ça vaut au moins le coup sur les passages où justement ça oblige Corey Graves de se barrer de la table et à chaque fois quand Michael Cole qui fait oh qu'est-ce qui se passe quand même, c'est bizarre. Et à chaque fois Corey Graves il arrive et, enfin il revient et il fait non rien de spécial, reprenons le show. Regardez, c'est Kalisto qui arrive. Regardez, c'est Kalisto. Ah, important. Ça m'a fait tellement rire. Regardez, c'est Kalisto. Comme si on en avait quelque chose à battre. Et donc, c'est qui, c'est quoi? J'en sais foutre rien. Franchement, j'aurais même pas de okay. de suspect ou quoi que ce soit ouais, parce qu'on sait pas ce que c'est. Ouais. Le plus, le seul truc que je pourrais deviner, c'est que ça a un rapport avec le retour de Stéphanie ou de Triple H. Ouais, ce que je disais la semaine dernière, effectivement, voilà. Il y a des chances que ce soit un coup de McMahon, ça c'est clair. Ou du moins du couple infernal de l'autorité. Mais dans tous les cas, regarde Hank. C'est qui sur le ring? C'est Kalisto. Mais oui, c'est lui, il est là. Ah, oui. Voilà, oui. Kalisto, donc, qui, dans le pré-show de Extreme Rules, a gagné contre Apollo Crews encore une fois, en mettant un Soledad del Sol en coup de pied au passage à Titus O'Neil. Et donc, on a le rematch entre Kalisto et Titus O'Neil. Et donc là, un combat rapide que je ne vais même pas vous décrire, juste le finish. C'est Kalisto qui fait tomber sur Titus O'Neil en lui tenant le slip, comme avait fait Titus O'Neil la semaine dernière. Ah, c'est l'arroseur arrosé, hein, qui ira bien le dernier. Donc voilà, il y a Apollo Crews à la fin qui rentre dans le ring et qui rigole, hein, qui se fout la gueule de Titus O'Neil. Donc Titus O'Neil qui fait la tronche. Voilà, voilà, un commentaire. Non mais c'est con parce que ils oui, auraient c'est con. Voilà. Merci, ouais toi. Non mais ils avaient quelque chose parce que ils auraient booké O'Neill et Cruz en heel. Ils auraient commencé à les faire basculer un petit peu heel, à tricher en permanence, à bien pourrir Kalisto sur plusieurs semaines ou peut-être contre d'autres gens pas forcément très haut dans la carte ou très important, ça aurait bien marché. Puis du coup, au fur et à mesure, on aurait eu un petit peu, je pense, on aurait pu avoir un peu plus de personnalité de la part de Cruz. Donc, ah, oui. C'est pas, oui, c'est bien c'est... ça. C'est le même conseil qu'on disait il y a un an dans les podcasts. Ouais. Déjà. Ouais, mais avant on disait juste, faut le faire devenir heel. Là, moi j'aurais dit heel comique, tu vois. Qu'il ait un gimmick en fait. C'est juste ça, quoi. Qu'il soit il fait ce comique, méchant, etc. Il faut juste qu'il ait une personnalité. C'est ça. Mais... Et le problème, c'est que c'était déjà le problème il y a un an, quoi. Mais là, il y en a un. Là, il y en a un parce que ça aurait été l'élève, tu vois, l'élève de O'Neill, qui est le roi de la triche cheap. Et du coup, il y aurait pu y avoir. Bon, après, ça peut toujours se passer, mais genre, il décide de s'associer. Du coup, il triche. Et puis, je sais pas, un jour, il y a une embrouille ou quoi que ce soit. Et là, Cruz part genre heel puissance 2, trahit O'Neill. Et là, on a un personnage. Là, ouais, on a voilà. le truc. Tout à fait. Donc, pour l'instant, on a toujours pas de personnage. Voilà. Et si, quand même, une nouvelle chose fois. Dans ce segment, on voit dans les coulisses pendant le match, quand même. Akira Tozawa, qui regarde le match avec intérêt, puisqu'apparemment, Titus O'Neil l'aurait contacté pour lui dire « Hey, regarde le match, et puis si ça t'intéresse, tu es le bienvenu dans la Titus Brand. » Donc, voilà. Est-ce que Tozawa va sortir du périmètre Cruiserweight, maintenant sa rivalité avec Henrik est enfin terminée? Est-ce qu'il va venir soit affronter Apollo Crews ou rejoindre Apollo Crews dans la Titus Brand? On ne sait pas trop, mais bon. Et est-ce que ça va être encore Callisto qui va devoir se taper tout ça? Parce Ouais. que j'ai l'impression que c'est Callisto, lui, c'est le Serpillière Man. Oui, mais il y a des chances, je pense, que ça finisse en tag team match Kalisto et Tozawa contre Cruz et Tatis Unil. Je pense que ça peut finir comme ça. On verra bien. De toute façon, qu'importe. On a frôlé le Jobber's World là. Il est temps de passer à, par contre, des A-listers, des gens qui sont des gagnants, comme Le Miz, donc, qui a regagné sa ceinture intercontinentale suite à son match Ouais. contre Ambrose. Et donc, on a donc la célébration, la fête, le comeback tour du Miz. Et donc, on a Maryse sur le ring. Et on entend pour la première fois depuis très longtemps le theme song de Maryse en français, hein. Pourquoi fais-tu tout ça? Donc, elle est là, elle accueille en français, encore une fois, ces mesdames et ces messieurs. Et donc, le Miz arrive. Ils refont la rétrospective de la soirée d'hier. Là, il y a un chant du public qui dit You deserve it. Tu le mérites, tu le mérites. En disant au Miz et qui réagit superbement en disant Ce chant signifierait tellement plus si vous ne le sortiez pas à chaque fois qu'il y a une superstar qui gagne un titre. Et ça, c'était juste merveilleux pour casser et se reprendre de la hit derrière. Donc ça, encore bien joué du Miz. Il dit que là, par contre, ils n'ont pas tort. Effectivement, lui, il mérite et c'est le seul mec qui mérite le titre intercontinental. Donc voilà, il se gargarise de sa victoire. Donc il y a des ballons avec écrit Le Miz en ballon doré. Tout est décoré. Il y a un mec déguisé en ours, en peluche mascotte d'ours qui tient un panneau Congratulations. Et donc le Miz, à mon avis, se rapproche justement de ce mec avec l'ours et il fait Ah, bravo pour l'ours, c'est super chéri, c'est génial d'avoir ça. Et Marie, ça fait Mais non, l'ours, c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est toi. Bah non, c'est pas moi. Bah c'est qui alors? Là, le Miz commence à être suspicieux. Le Miz, il est pas bête, il se rapproche de l'ours et puis il le chope et il lui fait un Skull Crusher Finale. Cash, cash, il fait pas autre Direct! chose avant, il Non! fait direct le Là, tac! Bam! skull L'ours est séché. Il va pour enlever le masque, il fait Hey, le crushing. public, voici votre ancien champion intercontinental, Dean Ambrose. Et maintenant, c'est pas lui, c'est pas Dean Ambrose, c'est un mec, on sait pas qui. Le Miz bloque un 2 secondes, regarde Maryse, ils comprennent pas, il fait Bon, bah, au moins, tu pourras raconter à tes potes que tu t'es fait casser la gueule par champion intercontinental et le vire du ring. Juste fabuleux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des gens apportent un gros carton, une grosse caisse, un gros paquet de cadeaux qui doit faire 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Le Miz dit, Oh là, quel super gros paquet, on pourrait mettre n'importe quoi dedans, on pourrait même mettre n'importe qui. Et là, il prend une chaise et il commence à mettre des coups de chaise dans le carton. Il plaque le carton au sol en lui faisant, je sais pas quoi, un body slam ou j'en sais rien. Il se relève, il met des coups, à mon nez, il met une tombée de coude juste merveilleuse contre le paquet cadeau. Pendant ce temps-là, Maryse à côté est mortifiée, le supplie d'arrêter, puisque effectivement, il arrache tout et à la fin, il ressort une grosse tête d'horloge, une grosse horloge, vous savez, les vieux coucous qu'on a chez les grands-parents. Et Maryse qui fait, bah oui, c'est l'horloge, la vieille horloge de mon grand-père, car comme toi, elle est sans âge. Tu as tout gâché, Mike. Et elle lui jette le micro, elle s'en va, vexée que le Miz ait détruit son cadeau. Donc là, il remonte au ring, il fait, non mais bébé, je t'en prie, reviens. Et pendant ce temps-là, il se rend compte que le Je caméraman qui t'aime. filmait ça, oui, il lui crie, je t'aime en français. C'est beau, on a envie de pleurer. Et il y a un caméraman qui est là pour filmer derrière, et le caméraman enlève sa casquette, ses lunettes, sa caméra, et on voit que c'est Dean Ambrose qui lui colle donc un Dirty Deeds out of nowhere. Et donc Ambrose qui prend donc effectivement un peu de champagne avant de repartir. Segment qui a été super fun. Comment Ah t'as bah, trouvé ça, toi? C'est enfin. du coup on avait Samoa Joe dans le top Ouais. des segments dramatiques de l'année, et Ouais. bah là on a le Miz dans le top des segments comiques de l'année. Oh, c'était oh, je me le suis passé, j'ai dit à Ringside sur le chat, je me le suis passé 2 fois le segment, Ah tellement ouais. tellement le passage du paquet cadeau Ouais, de mettre, mais la tombée de coude oh du là mec, là, les là. coups de chaise aussi, c'est juste génial. Et on sent qu'il est énervé, il est vraiment dedans, il joue super bien comme il sait bien le faire, mais c'est vraiment excellentissime quoi. Très très bien joué, ça ne fait pas forcément avancer leur rivalité, on est d'accord, mais c'est un segment qui était vraiment. Autant des fois on se fait abreuver de segments inutiles et qui sont un peu moyen chiant, là c'était vraiment pour le coup très bien mené, très bien joué. Donc ouais, bravo quoi, c'était parfait. C'est là qu'il est. Ça fait plaisir que on le. Après, je sais pas à quel point. Bon, c'est de la collaboration, etc. On voit quand même que c'est la marque du Miz. Enfin, il doit participer en partie à l'écriture, parce qu'on sent quand c'est Il y a des séquences du Miz, c'est les séquences du Miz. Tu vois le genre d'humour, tu vois le genre de construction. Et bah, il a un personnage qui est tellement présent, du moins qui est vraiment tellement défini. Vraiment son personnage, on pourrait le décrire quoi. Il y a des catcheurs un peu comme ça, comme aussi Jericho, etc. Enfin, vraiment, ils ont des traits de caractère très identifiables, des façons de parler, etc. Que du coup, oui, ça cette patte-là, ça ce goût, on voit que c'est le Miz, quoi. C'est pas une promo qu'on a mis dans la main de quelqu'un comme ça au hasard, et voilà. Non, c'est vraiment et très typique. Et c'est comme ça que je suis content qu'il le laisse justement faire son humour à Monday Night Raw et que là on voit qu'il a toutes ses libertés, il a autant de libertés qu'il avait à SmackDown et finalement le Miz c'est le mec qui nous vend une rivalité que tout le monde il y a deux jours enfin avant le pay-per-view était en train de dire bon Dieu il faut que ça se termine après le pay-per-view etc. Là Ambrose, il fait le job, hein. Il est pas exceptionnel, mais il fait son job. Oui, non. Et finalement, tant que ça se passe comme ça toutes les semaines, moi, ça me va. C'est divertissant, voilà. C'est un segment qu'on a vu divertissement. On dit tellement que le catch WWE, c'est du divertissement sportif. Et bien là, clairement, c'était la partie divertissante, comme on aime la voir, comme ce qui suit juste après. Et la partie sportive, comme en tout cas, je sais pas toi, mais moi, j'aime à le voir, puisque c'est le main event, Samoa Joe contre Seth Rollins. Donc un match entre les deux, hein, c'est pas une nouveauté, ils s'étaient déjà affrontés plusieurs fois, mais c'est toujours un plaisir là pour le coup de les voir. En tout cas, cet affrontement-là, moi, m'a vraiment laissé un très très bon souvenir. Donc du coup, ça commence comment? Ben Joe, vous savez, il a sa serviette, il la balance à la gueule de Seth Rollins, et il se profite à distraction pour lui mettre cette série de jabs. Donc très rapidement, Joe prend le dessus sur le match, va pour faire une powerbomb, mais Rollins contre avec un super Hurricane Rana. Donc voilà, des échanges entre la violence et la technique voltige de Joe et Rollins qui sont vraiment agréables. Un peu plus tard, on voit notamment Rollins qui va pour faire une Sling Blade et Joe qui l'arrête en plein mouvement pour le massacrer, le lâcher par terre comme un gros sac de patates. C'est assez impressionnant. Et donc, sur la fin du match, parce que le match c'est beau, vous pouvez regarder si vous voulez. Donc, on a Rollins qui fait sa Falcon Arrow pour tomber de deux. Rollins qui va se faire malmener par Joe, mais contre avec un Sunset Flip, toujours pour un compte de deux. Là ensuite, un super kick face à Joe. Rollins qui va monter sa troisième corde, certainement peut-être pour un Phoenix Splash, on ne sait pas. Mais là, eh bien, on voit la vidéo des Wyatt, donc de Bray Wyatt qui intervient, fondu au noir. Ça revient sur le ring, Rollins est surpris, est distrait, regarde ce qui se passe, et bien du coup, Joe, pendant ce temps-là, profite de mettre sa coquine à clutch, hein, sa prise de soumission coquine, et donc Rollins tombe dans les vapes, comme Paul Heyman un peu plus tôt, et comme Finn Balor la veille, donc victoire de Joe avec cette intervention vidéo, donc voilà, je vais pas raconter le match dans le détail, parce qu'il y a vraiment des séquences qui étaient chouettes, en tout cas, un Joe dominant, même s'il y a eu cette intervention à la fin de Wyatt. Le match était vraiment un échange de coup pour coup quasiment entre les deux, à part que Rollins sur la fin commençait à arriver à son momentum. Est-ce que toi t'as apprécié de les voir re-échanger leur prise sur le ring? Ouais, le match était vachement bien, mais ça m'a été un peu... C'était un peu sapé depuis le début parce que on savait déjà que Joe allait gagner. Donc du coup, c'était... Après, c'est vrai que tu rappelles que Balor, a abandonné, est tombé dans les vapes aussi. Donc, logique, mais pour le coup, si on parle juste de la soirée, j'ai trouvé ça un peu zarbe de montrer d'abord Heyman, qui est bon quand même, un mec, c'est pas un catcheur, c'est un mec âgé, il est un peu gros, etc. Donc, c'est logique qu'il tombe dans les vapes, tout ça. Et Rollins, je trouve que c'est un peu too much. Alors peut-être ils veulent dire que la coquina clutch c'est fatal, etc. Mais j'ai du mal à ensuite imaginer une soumission sur Brock Lesnar, quoi. On verra. Sachant que Joe, quand même, c'est pas son gimmick aujourd'hui la WWE, mais à l'époque où il était un membre éminent de la TNA, il était le submission. Comme... machine, ouais. Samoan machine, la machine Samoan de soumission, à savoir qu'un peu l'image d'un scénariste, il est capable de, ou un Daniel Bryan finalement, de pouvoir t'enchaîner dans un match 10 prises de soumission dans les transitions. Donc s'ils vont vers cet angle-là, ils annoncent, ils font ça pour montrer que Joe est vraiment fatal avec ses prises de soumission, soit avec aucune clutch ou un autre, et qui vont faire un affrontement un peu technique, un peu prise MMA ou contre Brock Lesnar. Mais prends un peu technique contre Brock Lesnar. Non, il est capable de faire des prises de soumission, hein, Brock Lesnar. Oui, oui. Donc peut y avoir un duel là-dessus qui peut ne pas être intéressant et qui va donner un équilibre aussi, je trouve, original, compte tenu de leur gabarit assez imposant. Mmh. Donc même si je comprends le fait, genre, ok, Paul Heyman qui tombe dans les pommes, logique, Rollins un peu moins, n'oublions pas que Rollins c'était à l'issue d'un match où c'était donné, donc du coup le mec est fatigué, il s'est pris des coups, il sort d'un match Extreme Rules aussi de la veille. Ok, c'est une prise de soumission, plutôt que de faire abandonner Rollins, que Rollins tape, plutôt le faire tomber dans les pommes, pourquoi pas quoi. Je sais pas si tu l'as dit, mais du coup, en fait, le truc de Wyatt aussi, c'est que Rollins, un peu plus tôt, l'a traité de faux prophète pendant la promo. Bah, juste au moment où il y a eu le booking de Joe. Avec Kurt Angle, Joe et Rollins, tout à fait. Hein. Je sais plus pourquoi il a reparlé de Wyatt, mais. Dit qu'il est Seth freaking Rollins, qu'il n'est pas Finn Balor, il n'est pas Roman Reigns, il n'est certainement pas ce faux prophète que Wyatt. Ouais, voilà. Voilà. Donc peut-être que c'est Wyatt qui a mal pris l'histoire et que ça nous annonce peut-être une rivalité à venir. Ouais. On verra. Bah, Wyatt, il est open bar pour perdre contre tout le monde. Hein. C'est... Oui. Moi, je suis Dieu, je vais tous vous niquer, ou plutôt perdre contre vous. Donc voilà. Bon, je sais pas s'il y avait besoin de ça pour le builder encore plus dans la soirée, Joe. Mais en même temps, si vous bookez Joe Rollins, c'est Joe qui doit gagner, hein, c'est normal. Actuellement, oui, c'est lui qui va pour le titre. Et puis finalement, c'était pour peut-être un peu conclure, mais mettre un stop à leur rivalité qui était pas totalement réglée. Donc. Comme ça, ça permet que Rollins, maintenant, va aller se venger auprès de Wyatt, et Joe va avoir le boulevard libre pour le pay-per-view et le match de Lesnar. C'est pas incohérent. Ouais. En tout cas, j'ai pas trouvé que Rollins avait démérité, notamment sur la fin du match. Il était en train de gagner, il a enchaîné deux moves très puissants qui étaient quasiment des contre 2-3 contre Joe. Il allait faire son Phoenix Splash, il a été interrompu. Donc, pour moi, ça le sauvegarde. Donc, on a toujours pas vu son vrai nouveau finish, en fait. Non, mais c'est assez rare, ouais. Sans son compte genou sauté, un peu à la Kenny Omega, on sait pas trop. Ouais. On verra. Hein. Peut-être que Wyatt se le mangera et on verra. Oh, sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est tout pour ce soir. Il est temps de passer au mot de la fin. Donc, comme d'habitude, hein, tu connais, top, flop et ta note. Bon, on serait parti pour le top entre le Miz et Joe. Vas-y. Prends ce que tu veux. Non, moi je vais prendre le Miz. Donc moi, mon top c'est le Miz, même si Joe, c'est plein de trucs à dire aussi dessus. Mais le Miz, toujours fantastique, et surtout un mec qui nous vend une rivalité qui est périmée, finalement, qui est périmée, qu'on a déjà vu, etc. Et il suffit du talent créatif d'un mec pour nous offrir de l'humour et donner aussi du sens à la rivalité. Là, c'est avant c'était redorer le blason de la ceinture. Maintenant, c'est fermer le clapet de Ambrose et continuer son comeback tour. Donc voilà, c'était génial. Le flop. Le flop, qu'est-ce que c'était? Bon, je vais faire la facilité, je vais dire Goldust et Hartruth, mais il y avait sûrement d'autres choses à critiquer. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était un Monday Night Raw avec des, au moins, si je compte, 2-3 bons matchs, 2-3 vraiment, vraiment bons matchs, des très très très bons segments hors des matchs, hein. À part Goldust et Hartruth, j'ai que des bons souvenirs quasiment. Même Alexa Bliss, tellement mieux que la semaine dernière, hein. Toutes les séquences, tous les moments où elle était au micro, c'était nickel. Comme quoi, dès qu'on lui file pas de la merde, elle est fantastique. Donc voilà, et j'étais vraiment content de ce Raw, donc je vais lui mettre même un 4. Wow, je vais lui mettre un 4. Ouais, ben dis donc. Parfait. Parce que ça m'a hypé pour la suite. Bah super, tant mieux. En ce qui concerne mon flop, ça va être le traitement infligé à Isetor et Rhino, hein, comme on disait, qui étaient champions il n'y a pas si longtemps que ça, à SmackDown, et là, qui se font squatcher. sans rien, c'est un peu désolant. Bref, voilà, c'est comment ne pas utiliser du talent qui pourtant génère en plus de la bonne pop pour des middle card ou des top middle card. Donc voilà, c'est pas très productif tout ça. Et mon top, effectivement, puisque tu m'as laissé, sera Joe qui, autant au micro que dans son match, a délivré un truc vraiment génial. Je suis content de voir qu'enfin, ça y est, dans Main Roster, on lui donne de l'espace pour pouvoir montrer ce qu'il sait faire à tous ceux qui ne connaissaient pas de longue date. Et je vais mettre pas un 4, mais un bon 3,5, très divertissant. J'espère juste qu'ils vont avancer un peu plus vite sur l'intrigue mystère de Kurt Angle, etc. Parce qu'une semaine ça va, 2 semaines ça va, mais faut pas qu'ils nous fassent ça 3 semaines. Hein. On veut du neuf maintenant. Donc c'est fini pour ce Monday Night Raw. Comme d'habitude, eh bien vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur Podcloud pour l'audio, sur YouTube hein, pour la vidéo. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le forum des Cahiers du Catch, mais aussi sur Facebook et Twitter avec donc le nom de la page et du compte Catch Up CDC. Laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez pas aimé, des pouces, des likes, etc. Merci bien. Et puis vous retrouverez comme d'habitude le supplément SmackDown très prochainement par nos amis de l'équipe bleue. En attendant, la semaine prochaine, Hank, merci à toi pour ces analyses et puis ce 4 enthousiaste pour l'avenir. J'espère que tu auras raison d'être hypé, hein. J'espère qu'il te On donnera verra si on est envie. déçu la semaine prochaine, C'est ça. mais ouais, c'était on est sur une bonne remontée entre le Ouais. pay-per-view et les Raw, là Ouais. on est sur une bonne voie. C'est plutôt cool. Donc, bah écoutez, on vous dit à très bientôt et d'ici là, passez une excellente semaine pleine de catch. Salut! Salut.